Quelqu'un sait jouer ça là? On peut faire Forever Young, version rapide. J'adorais ce morceau, moi, quand j'étais gamin. Mais je l'adore toujours, d'ailleurs. To leave all that.